De regrettables événements se sont produits à Léopoldville. Chacun de nous ne peut que les ressentir douloureusement. Il importe à présent que le calme revienne dans les esprits. Depuis longtemps, il est prévu que le gouvernement définira devant le Parlement belge l'orientation de sa politique africaine. Le ministre du Congo belge et du Rwanda-Urundi vient de confirmer devant les chambres qu'il fera cette déclaration incessamment. Pour ce qui est des mesures à prendre à la suite des désordres de Léopoldville, il faut maintenant rechercher des formules constructives et réalistes. Il est inutile de vouloir s'enfermer dans des idées préconçues, des préjugés et des systèmes. C'est dans le calme que les conclusions doivent être tirées. Le Parlement belge a décidé d'envoyer une commission chargée d'établir les causes des incidents et de rechercher les moyens de remédier à la situation. Je considère que c'est en soi une bonne mesure. Il y a des problèmes qu'il est impossible de discuter à distance sans verser dans la confusion. Je fais un appel solennel à tous pour contribuer chacun à sa place et dans la mesure de ses moyens à ramener le calme dans les esprits et à réfléchir sur les moyens d'assurer à ce pays une évolution ordonnée et conforme à ses intérêts fondamentaux. Les autorités continueront à assurer l'ordre, à maintenir une vie normale et à étendre leur protection à tous. C'est dans la mesure où ces conditions essentielles seront remplies que les aspirations légitimes trouveront leur réponse dans des réalisations concrètes.